tu vois ce que je veux dire. J'ai un peu des crépitements en fond là, c'est bizarre. Dû se faire dégager, tu m'entends? Ouais, ouais, mais moi je suis toujours connecté, moi. Ah, mais ils ont dû me dégager. Ah, mais c'est parce que en fait il y avait un gros bruit, je sais pas si t'entends. Ouais, il y avait du bruit, ouais. Donc je pense que. Ah non, mais t'es toujours connecté. Ah, tiens, je vois dans le log Alex qui dit aïe. Voilà, donc après je vois Ninbot, Zlev, qui est le serveur, machin, mais je te vois pas dégager. Et dans la colonne de droite, je vois toujours User Alex at 88127150. Ah mais non, mais je l'ai minimisé en fait la console. Voilà, t'es pas fait dégager. Mais bon, selon comment c'est, peut-être une autre fois, on se fera une... serveur perso quoi, qui n'est pas toute la terre qui se connaît. Tout à l'heure ça marchait super bien. Je sais pas si t'as touché un truc entre temps. Bah attends, je remets le casque sur record. Ouais, je t'entends sur record. Attends, parce que là je suis complètement passé sur Reaper là. Ouais, ouais, mais tu m'entends toujours là? Ouais, moi je t'entends. Allô? Ouais, ouais, je t'entends. Attends. Ouais, je t'entends. Je suppose que c'est Reaper, je suis allé voir 30 secondes de dégâts. même si ça marche dans du base, ça doit marcher ailleurs. Mais j'entends ta batterie là dans Reaper. Ouais, bah là je t'entends, j'ai remis l'oreillette Skype, mais j'entends ta batterie sur Reaper quoi. Secondes de décalage. Thank you. Je la drop dans la piste Ninjam. Comme ça, on a une piste micro.